France est un droit. La population se déploie et la misère devient reine. Les dirigeants comorés ne bougent pas un doigt. L'ingérence n'est pas une voix, mais l'océan fait la loi. La population se noie, le poisson s'en donne cœur joie. Surenga lori faras asuhi fati presida misingasi alishi wazungu wabugulwa kayasi. La France croyait que le conflit resterait comorienne, mais pourtant les blancs sont tabassés pour rien. La transal des forces de l'ordre est arrivée à pourrer les désordres. La France croyait que le conflit resterait comorienne. Pourtant les blancs sont abassés pour rien. La transal des forces de l'ordre est arrivée à pourrer les désordres. Est arrivée à pourrer les désordres. Est arrivée à pourrer les désordres.